Je trouve ça charmant, il fait beau dehors, mes chansons fonctionnent encore. Le petit déjeuner est déjà prêt et mon petit frère m'adore. Sébastien m'appelle, il veut me voir, un mois que je ne suis pas sorti. J'ai l'impression que les bonnes nouvelles tombent et que Thionville n'est plus gris. Ça marrant comme parfois la vie peut être contradictoire. Et encore tous ces gens je les méprisais, aujourd'hui je veux les voir. Quelques gens sourient à l'unisson aux accords de Caroline. Comme par enchantement ce n'est plus moi qu'on assassine. Je trouve ça navrant comme souvent les gens peuvent juger sans raison. Et comme certains seront abasourdis à la vue de cette chanson. Certains diront même étoile déprimée, le bonheur de quoi tu te mêles. Moi de rien du tout, je voulais juste écrire que parfois la vie est belle.